Mais vous dites que vous aviez essayé une fois de fabriquer un violon sabot. Oui. Vous l'avez jamais, vous l'avez jeté ça ou l'avez... Oh, j'ai pas pu y arriver. J'avais essayé, oui, j'avais avec un sabot de bois que j'avais coupé le haut, puis j'avais mis des cordes dessus comme ça, mais ça, vous aviez coupé le haut, c'est-à-dire vous aviez oui. enlevé le oui le dessus oui le dessus le... oui c'est ça oui puis là j'avais mis des cordes mais le, ça penche. Il y avait un manche? Vous aviez fait un manche? Mais j'avais pas fait de manche, justement. Puis oh non, ça n'avait pas marché, quoi. Vous aviez mis les cordes dessus, comme ça? Oui, pas, oui. Comme une sitar? Oui. Ou quoi, comme... mais ça avait pas de son, ça n'avait aucun son. Ça... Vous l'aviez vu dire à qui? J'avais vu dire ça. Des anciens. Vous l'aviez vu de déjà fait? Je n'avais jamais vu, non. J'avais vu dire qu'il y en a qui faisait des violons avec un sabot de bois. Il faut que j'y essaye, mais bon. Oh non. Non. Il y en a qui avaient appris avec comme ça. Quoi. Oui, je ne sais pas si ça existait même. J'avais vu dire ça, mais oh,